بسم الله الرحمن الرحيم في درس الماضي أخذنا on avait pris que cette da'wa les gens de la sunna rendent au gouvernement musulman son haq qui est le fait de lui obéir fil ma'ruf dans ce qui est convenable c'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal et ne se révoltent pas dans ce qui leur déplaît ou dans ce qui s'oppose à cela mais ils prodigue le conseil et la nasiha bilati ahsan. Hada. Donc le gouverneur, leur droit à leur rendre et l'obéissance. D'accord ? L'obéissance sous condition que ceci soit l'obéissance de ce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam dans les choses permises tant que cela n'amène pas une transgression religieuse. Et si jamais nous ordonne à cela, là on n'obéit plus. Donc après avec le fos qui est par la suite qui est ومن معالم دعوة إلى السنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر parmi les signes également de cette da'wa qui est le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable المعروف هو كل ما يحبه الله معروف c'est tout ce que Allah il aime et a autorisé et a ordonné également والمنكر c'est tout ce que Allah n'aime pas et a interdit donc de là les gens de la sunna appellent à appliquer cela. Et cela est lié au fos précédent du fait que lorsque le hakim, le gouverneur, commet une erreur et que cette erreur touche les gens, bien évidemment, les gens de la sunna ne se testent pas sur l'erreur. Ils n'offensent pas le gouverneur en s'attaquant à lui, mais ils démontrent aux gens que cette chose-là, par exemple, elle n'est pas autorisée. Même si c'est le gouverneur qui l'a dit, il ne faut pas le faire. Là-dessus, ils n'ont pas peur. Et ceux qui ont plus de proximité au plus de moyens, ils le font savoir directement au gouverneur. Que ce à quoi il appelle, ou cette loi qu'il a mis en place, cette chose qu'il a autorisée, cela est interdit. Allah, Azza wa Jal, kaza wa kaza. Et même s'il s'obstine par la suite, son péché sur lui, d'accord, il n'y a pas pour autant à sortir contre lui et à le salir aux yeux des gens. Son péché sera pour lui, yawm al-qiyamah. Son péché sera sur lui, yawm al-qiyamah. Donc sortir contre lui ne changera rien à la chose. Mais au contraire, cela amènera à plus d'augmenter les problèmes. قال حفظ الله تعالى لأنهم هم القائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخافون في الليل لومة اللائم. Donc ce sont eux qui s'occupent de cela réellement, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et ne craignent en Allah le blâme d'aucun blâmeur. Et cela rentre également dans les répliques scientifiques contre les gens des passions. Cela touche à plein de choses. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ça touche à plein de domaines dans la religion. Qu'a Allah Ta'ala, "Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Il soit de vous une communauté qui appelle au bien et qui ordonne le convenable et qui interdit le blâmable, et cela sont ceux qui réussissent. Al-Imran verset 104. وقال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون et qu'il est dans le sens également vous êtes la meilleure communauté qui soit sortie pour les gens vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah et que si les gens du livre seulement avaient cru cela aurait été meilleur pour eux et parmi eux il y a les croyants c'est-à-dire ceux qui ont accepté la vérité et la plupart d'entre eux sont les pervers Al-Imran, verset 110. وقال تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. Dans le sens où Allah dit accepte le pardon et ordonne par ce qui est convenable et détourne-toi des ignorants. Al-A'raf, verset 199. Et les hadiths sont très, très nombreux sur ce sujet-là. D'ailleurs, son fos il est un petit peu long, on ne va pas tout dire, comme vous le savez également. On va prendre l'essentiel, Inch'Allah. Il cite également des hadiths qui sont liés au gouverneur et comme cela a été cité dans le précédent, on ne va pas les répéter également, dans le fait que le gouverneur, on l'obéit dans ce qui nous plaît ou ce qui nous déplaît, tant que cela n'est pas une transgression, et qu'on ne leur conteste pas leur autorité, qu'il faut savoir leur dire la vérité. Et quand on dit « on », ce n'est pas tout le monde, d'accord, c'est un terme général qui englobe les gens aptes à le faire. Et le fameux hadith de l'Abi Saïd al-Khudri, « Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Man ra'a minkum munkara, falyughayyir biyadi, fa'in lam yastati' fa bi lisani » وَلَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ مَا خَرَجَ مُسْلِمٌ Qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main, et s'il ne peut alors par sa langue, et s'il ne peut alors par son cœur. Et cela est le niveau le plus bas de la foi. Et Ibn al-Arabi a dit que dans ce hadith, il y a une chose qui s'oppose à l'application, c'est qu'en réalité, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait un mal, il ne commençait pas par sa main. Mais il commençait par la parole, en premier lieu. Il commençait par la parole en premier lieu. Et ensuite, s'il y avait besoin, par la main. Dans la plupart des cas, dans le plus grand nombre des cas, il commençait d'abord par la parole. En disant, pourquoi fais-tu cela? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Ainsi de suite. Ou, cesse de faire ceci. Ou, tu devrais faire cela. Akaza. Et ensuite, s'il y a besoin, il agissait par la main. Qala, wa tarka al-amru bil ma'ruf wa nahy al-munkari, sababu li zawal li-nuzul al-azab. Wa sababu li-la'natillah. Wa li-azabillah. Wa qala Allah ta'ala fi shan abi Israel, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel, على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Donc justement le fait de délaisser cet ordre et cette prohibition du mal, cela est une cause pour que le châtiment descende sur nous et pour obtenir la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Ce qui fut le cas des Bani Israël, dans le sens où Allah a dit que furent maudits ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël sur la langue de Daoud et de Issa, du fait qu'ils désobéissaient et qu'ils transgressaient. Et ils ne s'interdisaient pas justement le mal qu'ils faisaient entre eux. Et quelle mauvaise chose qu'ils faisaient. Al-Ma'ida, la table de service, verset 78 à 79. أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ كُنَّا لَهُمْ كُنُّوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Et lorsque ils oublièrent ce qui leur fut rappelé, nous avons sauvé ceux qui ont interdit le mal, et nous avons pris ceux qui ont été injustes d'un azab, d'un châtiment avilissant pour les perversions qu'ils commettaient. Et lorsqu'ils ont transgressé ce qui leur fut interdit, nous leur dîmes, soyez donc des singes abjects. Al-A'raf, verset 163 à 166. Dans le hadith de. Le fameux hadith, l'un des plus beaux hadiths dans ce bab, qui explique clairement la chose, le hadith de Nu'man ibn Bashir, قال النبي صلى الله عليه وسلم, مثل قائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذِ اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا وَلَا مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَّقَنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا لَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ مَا أَرَادُوا وَيَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui applique loi d'Allah et celui qui tombe dedans, dans ces lois d'Allah, sont à l'exemple de gens qui seraient sur un bateau, qui auraient tiré au sort. Certains d'entre eux auraient eu la partie supérieure du bateau, et d'autres auraient eu la partie inférieure. Ceux qui sont en dessous, dire, à chaque fois qu'ils voulaient boire, sont obligés de passer par ceux qui sont en haut. Donc il s'est dit, si nous faisions un trou dans notre partie, comme ça, nous n'aurons plus besoin de déranger ceux d'entre eux, et nous pourrions boire, ou nous pourrions avoir de l'eau, comme bon nous semble, sans dérangement. Donc il dit, si jamais ceux d'en haut les avaient laissé faire, c'est-à-dire faire ce trou dans ce bateau-là, ils seraient tous noyés. Mais si jamais ils l'empêchent de faire cela, ils réussiront et tous réussiront. Tous seront sauvés. Donc cet exemple, il est magnifique pour le fait d'ordonner le convenable et d'atteindre le blâmable. Donc cette da'wa de l'islam concerne tout le monde. Et cet ordre du convenable et l'interdiction du blâmable sont valables pour tout le monde. Pour les hommes comme pour les femmes. Même pour les enfants. Même s'ils ne sont pas mukallaf, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam apprenait aux enfants à ne pas faire de mal. Comme ce fut le cas de son petit-fils lorsqu'il avait pris une date de sadaqa, de l'aumône, car cela a été interdit aux gens de l'Ahl Bayt. Il lui a dit, Kachin, alam ta'alam anou yahrum alayna sadaqa. Il a dit, Karin, laisse cela, laisse cela. Ne se dis pas que ce genre de choses nous sont interdites. Donc on ne dit pas les petits sont petits, il ne faut pas leur dire. Il faut leur apprendre. Et ce qui est mauvais, il faut leur enseigner que cela est mauvais. Même s'ils ne sont pas mukallafoun, ils le deviendront par la suite. Et au moins, ils auront déjà appris. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait cela même avec les enfants. Il leur apprenait depuis le plus jeune âge. dès qu'ils étaient en mesure de comprendre, avec le langage approprié, bien évidemment, et la méthodologie, la pédagogie appropriée. Et avec les femmes, pareil. Il le faisait cela pour tout le monde, même avec les mécréants. Il les appelait au convenable. Et la chose principale qui était, c'était le tawhid, bien évidemment. Donc là, c'était la fin de ce bab. On a passé beaucoup de passages, car certains sont répétitifs, et d'autres profs ont déjà été cités dans les babs précédents. فابي ذلك نكتفي وسبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك